Il m'a suffi d'un regard pour être à Notting Hill. Imagine le rencard, moi, l'air d'un beau débile. Sur mon petit nuage, le baiser n'est pas volé. Certains y voient un mirage, le temps viendra témoigner. De tous nos souvenirs, on n'y fasse rien. Parfois c'est électrique, mais pensez que le courant passe. Bien des mois, puis des années, on a des projets car j'envisage le mariage, mais ne le répète pas, non. Je peux pas vous dire certaines scènes. Tombé de haut, victime d'une chute, libre du 7ème ciel. La lune de miel a été un bonnet d'appel. Elle envie sa paye, lui a ennuyé sa belle. T'achètes l'amour, viens pas te plaindre, ouais, ça fait un. Ah, tu le savais, c'est trop tard pour les qu'est-ce t'as fait. Parce que la religion reste influente. Le coup de foudre à Manhattan a un air de 11 septembre. J'aurais mieux fait de fermer les yeux. Je n'ai pas vu venir le mal. Ce que j'en tire, c'est que oui, c'est comme ça. Ma réalité me donne espoir. J'aurais mieux fait de fermer les yeux. Je n'ai pas vu venir le mal. Ce que j'en tire, c'est que oui, c'est comme ça. Ma réalité me donne espoir. C'est comme ça, ouais. Ouais, c'est comme ça. Quand on retourne sa veste dans un corps sale, des cris puis des flaques, des rimes puis des phrases. Alors t'écris et tu dépasses, donc tu frimes et tu fanes. Au début, je rappelle dans ce désordre. J'avais des yeux pour voir, j'ai préféré exister dans ceux des autres. J'ai vite compris ce qu'on attendait de moi. Et plus vite j'ai gravi et plus je broyais du noir. Fallait des chiffres, le stress me noie dans l'alcool. Dans les packs, je me sens fermé dans mon album. Je vois plus la famille et je vous dis pas le pire. Pendant qu'elle tournait en rond, j'étais au carré VIP. Les poches en pleine, mais le cœur est vidé. De la maison de disque au foyer, combien j'en ai vu m'éviter. Les factures se signent plus vite que les contrats. Enlever ma tête de l'affiche a été mon combat. J'aurais mieux fait de fermer les yeux. Je n'ai pas vu venir le mal. Ce que j'en tire, c'est que oui, c'est comme ça. Ma réalité me donne espoir. J'aurais mieux fait de fermer les yeux. Je n'ai pas vu venir le mal. C'est que oui, c'est comme ça. Ma réalité me donne espoir. Plus rien ne m'étonne. Trop de déceptions, de rêves gâchés. L'argent nourrit toute cette haine. L'homme souhaite masquer sa peine. Drogue, trahison, vol, des prises de risques. La guerre de loin nous méprise. Nos relations sont éphémères. L'amour se brise sur de la pierre. C'est que oui, c'est comme ça. Ma réalité me donne espoir. J'aurais mieux fait de fermer les yeux. Je n'ai pas vu venir le mal. Ce que j'en tire, c'est que oui, c'est comme ça. Ma réalité me donne espoir. J'aurais mieux fait de fermer les yeux. Je n'ai pas vu venir le mal. Ce que j'en tire, c'est que oui, c'est comme ça. Ma réalité me donne espoir. J'aurais mieux fait de fermer les yeux. Ce que j'en tire, c'est que c'est comme ça.